الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام، أما بعد، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى السلام، وهو اسم ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى هذا الاسم الكريم أي السلام من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو جل وعلا السلام الحق بكل اعتبار، سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم، وسلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وهو سبحانه السلام من الصاحبة والولد، والسلام من النظير والكفء والسمي والمثيل والمماثل، والسلام من الند والشريك. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى nous mentionne ici l'explication du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam. Il nous dit que ce nom a été mentionné dans les livres d'Allah, dans le Coran ou le Karim, une seule fois. Et cela dans le verset de Sourate Al-Hashr, c'est lui Allah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est lui, le roi ou bien le souverain, le pur. As-Salam. As-Salam, ils le traduisent par la paix. Et le sens de ce noble nom, c'est-à-dire celui qui a le salut devant l'ensemble des défauts et des imperfections. C'est-à-dire qu'il est éloigné de tout défaut, de toute imperfection, exempt de tout mal. Cela, car Allah subhanahu wa ta'ala a la perfection absolue dans son essence, dans ses attributs et ses actions. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal n'est pas sujet aux défauts ni aux imperfections? Parce qu'il a la perfection absolue, subhanahu wa ta'ala, de tout point de vue. Lui-même est parfait. L'ensemble de ses noms sont parfaits. L'ensemble de ses attributs le sont également. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Salam par excellence. Dans son essence, il n'y a pas une imperfection que la personne puisse imaginer sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en soit exempt. Dans ses attributs, pareillement. Dans ses actions, il est loin de tout acte de mal, loin de tout acte comportant une injustice, loin de tout acte fait sans sagesse. Parce qu'Allah, c'est As-Salam. Allah tabaraka wa ta'ala est As-Salam, c'est-à-dire qu'il est pur et au-dessus d'avoir une compagne, d'avoir un enfant, d'avoir un semblable, d'avoir une créature qui puisse lui ressembler ou se rapprocher de sa perfection ou posséder les mêmes noms que lui et en mériter la perfection, ou d'avoir une créature qui soit similaire à lui dans ses attributs, ou d'avoir un égal ou encore un associé. Allah subhanahu wa ta'ala est pur de tout cela et exempt de tout cela. وهو اسم يتناول جميع صفات الله تعالى، فكل صفة من صفاته جل وعلا سلام من كل عيب ونقص. وفي تفصيل هذا وتقريره يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: cette notion là du fait qu'Allah Azza wa Jal est pur de tout défaut, de toute imperfection, elle revient dans l'ensemble des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut en témoigner de manière détaillée pour chaque attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourra appliquer cette règle concernant le nom d'Allah as-salam. Tout comme nous avons dit, dans son essence, dans ses noms, dans ses attributs, Allah c'est as-salam, donc il n'a aucune imperfection, aucun défaut. Ben, en prenant les attributs d'Allah azza wa jal dont nous avons connaissance, les uns après les autres, on peut également mentionner cela. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit à cet effet: ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمال كمالها. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: c'est pour cela que la personne qui méditera les attributs d'Allah Azza wa Jal de manière détaillée, les uns après les autres, se rendra compte de leur perfection, se rendra compte qu'ils ne sont pas sujets à quelque défaut que ce soit, se rendra compte qu'Allah Azza wa Jal a la perfection absolue et qu'il est salam, yani saint, c'est-à-dire préservé, éloigné et bien au-dessus de tout ce qui vient en opposition à cela. Si par exemple nous disons qu'Allah Azza wa Jal c'est le Hayy, il a la vie parfaite, ben le fait qu'Allah soit as-salam, il est salam de ce qui vient contredire cette perfection dans sa vie. Donc salam de quoi? De la mort, du sommeil, de la somnolence, des défauts dans sa vie. Et tu fais ainsi pour chaque attribut. Pour chaque attribut tu appliques cette règle. Ibn al-Qayyim nous dit: فَحَيَاتُهُ سَلَامٌ مِنَ الْمَوْتِ وَالسِّنَةِ وَالنَّارِ. Quant à sa vie, سَلَامٌ مِنَ الْمَوْتِ, elle est à l'abri de toute mort, وَمِنَ السِّنَةِ, de toute somnolence, وَمِنَ النَّوْمِ, et de tout sommeil. Car celui qui dort a une imperfection dans sa vie, celui qui meurt a une imperfection dans sa vie, celui qui somnole sont les prémices du sommeil a une imperfection dans sa vie. Et Allah, c'est salam, il est à l'abri de toute imperfection. وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. Nous disons pareillement pour la qayyumiyya d'Allah, le fait qu'Allah Azza wa Jal subsiste par lui-même et que c'est lui qui fait subsister l'ensemble des créatures. Nous disons pareillement pour sa pleine capacité. Elle est parfaitement, sont parfaitement à l'abri de toute fatigue. De toute fatigue et de toute lourdeur. Wa ilmuhu, pareillement pour sa science, salamun min uzubi shay'in anhu aw urud nisyan. Afwan. Wa ilmuhu salamun min uzubi shay'in anhu أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر أو تفكر. Pareillement pour sa science, elle est à l'abri de tout oubli éventuel et de tout besoin de devoir se rappeler pour savoir ou réfléchir. La créature, elle a, elle peut avoir de la science, mais malgré ça, elle est sujette à l'oubli. Alors il va lui falloir se rappeler, faire un effort pour se rappeler ses connaissances. Et après avoir su, elle peut oublier ou elle peut se tromper. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, sa science est salam, elle est à l'abri de tout défaut et de toute imperfection. Ainsi, sa science ne peut contenir un oubli. Et il ne peut avoir, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, besoin de se rappeler pour avoir cette science à nouveau qui a diminué. Non, parce qu'il a la perfection dans cette science. وإرادته سلام. La volonté d'Allah Azza wa Jalla est également salam. Loin de tout défaut, de toute imperfection. Parfaitement préservé de tout cela. Salamun min khurujiha an hikmatin wa maslaha. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est en paix ou préservée de sortir de sagesse. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jalla veut une chose, ça vient avec la perfection de sa science et la perfection de sa sagesse. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla veut une chose, il y a forcément un bien dedans. Wa kalimatuhu salam. Les paroles d'Allah Azza wa Jalla sont également en paix de tout défaut et de toute imperfection. Min al-kadhibi wa dhulm. Il n'y a aucun mensonge et il n'y a aucune injustice. Bal tammat kalimatuhu sidqan wa adla. Bien au contraire, ses paroles sont parfaites en véracité et en justice. Toutes ces informations, tout ce dont Allah Azza wa Jalla nous informe, c'est l'excellence de la véracité. Et tous les jugements d'Allah Azza wa Jalla, c'est l'excellence de la justice. Wa ghinahu salam. Sa pleine suffisance et sa richesse absolue est salam. Min al-hajati ila ghayrihi biwajhin ma. La richesse d'Allah Azza wa Jalla est en paix de tout besoin. Devant une créature, de quelque point de vue que ce soit. Bal kullu ma siwa muhtajun ilay. Bien au contraire, tout autre qu'Allah, tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghaniyun an kulli ma siwa. Et Allah n'a besoin de personne. Il se passe largement de tout autre que lui. Wa mulku salam min munazi'in fihi aw musharikin aw mu'awinin wa aw mu'awinin mudhahirin aw shafi'in 'indahu bidun idhni. La royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala est salam. Elle est à l'abri, elle est en paix de tout disputeur, de toute personne qui pourrait venir disputer une part de royauté à Allah, de tout associé, de tout ministre ou créature qui viendrait aider Allah Azza wa Jalla, ou de tout intercesseur qui pourrait intercéder auprès d'Allah sans sa permission. La royauté d'Allah, elle est parfaite. Elle ne comporte pas d'imperfection, ni de défaut. C'est pour cela que personne ne peut disputer la royauté d'Allah. Il possède tout et il le possède seul. Personne ne peut s'associer à Allah. Il possède tout et il le possède seul. Allah n'a besoin d'aide. Allah n'a besoin de l'aide de personne. Parce que sa royauté, elle est salam. Elle est parfaite. Elle est en paix devant toute imperfection et tout défaut. Elle est tellement parfaite que personne ne peut venir intercéder en faveur d'une créature sans qu'Allah lui donne la permission. Sans qu'Allah lui donne la permission. Dans ce bas monde, tu peux trouver une personne qui a une place auprès de celle de cet autre qui vient intercéder sans sa permission et lui dit: fais ceci, fais cela, je te le demande, fais cela pour moi, et influence et lui fait faire un choix qu'à la base il ne voulait pas faire. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, lahul mulk, à lui appartient la royauté absolue. Qul lillah ash-shafa'atu jami'a. Dis, c'est à Allah qu'appartient entièrement l'intercession. Personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission? Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Et que d'anges, yani ô combien sont nombreux les anges qui sont dans les cieux ou sur la terre, dont l'intercession n'est d'aucune utilité, si ce n'est après qu'Allah en ait donné sa permission pour qui il veut et agré. Ainsi, on voit ici, à travers ces mots-là, la perfection de la royauté d'Allah Azza wa Jal, et qu'elle est salam, elle est en paix de tout ce qui pourrait diminuer sa perfection et lui mettre des défauts. Wa ilahiyatu salamun min musharikin lahu fiha, bel huwa Allahu alladhi la ilaha illa. Sa divinité est salam et en paix devant tout associé. Exempt de tout associé qui pourrait s'associer à Allah Azza wa Jal dans une part de la divinité. Tout ce qui adore en dehors d'Allah n'a pas le droit à l'adoration, ne mérite pas l'adoration. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Ici, on nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun associé dans le droit à l'adoration. Mais c'est plutôt lui, Allah, le seul digne d'être adoré en dehors de lui. Nul ne mérite de l'être. Allah nous dit ceci est car Allah est la vérité. Et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Et certes, Allah est le plus élevé, le plus grand, ou le très grand. وَحِلْمُهُ وَعَفْوُهُ وَصَفْحُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَتَجَاوُزُ سَلَامٌ مِنْ أَنْ تَكُونَ عَنْ حَاجَةٍ مِنْهُ أَوْ ذُلٍّ أو مصانعة كما يكون من غيره بل هو محض وجوده وإحسانه وكرمه. La mansuétude d'Allah, son pardon, son effacement des fautes, et lorsqu'il couvre les péchés de ses serviteurs et les efface, passe dessus, tout cela est salam. Tout cela est à l'abri de tout défaut et de toute imperfection. À l'abri que cela soit fait de la part d'Allah par besoin. Allah ne pardonne pas à ses serviteurs parce qu'il a besoin d'eux. Il ne couvre pas leurs fautes parce qu'il a besoin d'eux. Mais ça vient plutôt de par la perfection de sa mansuétude, de par la perfection de son pardon, de sa miséricorde et de sa pitié, de par la perfection de sa bonté. Subhanahu wa ta'ala. Il ne fait pas cela par faiblesse, ni par rabaissement, comme cela peut être fait chez les créatures. Il se peut que la créature faible excuse celui qui fait du mal et passe sur ses fautes parce qu'elle n'a pas la capacité de le punir, parce qu'elle n'a pas la capacité de se venger, parce qu'elle n'a pas la capacité de se passer d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il pardonne, c'est parce qu'il a la perfection de la bonté et de la miséricorde. La perfection du pardon. Pas parce qu'il a besoin de la créature. Ou pas parce qu'il redoute la créature. Ou pas parce qu'il est faible, subhanahu wa ta'ala. C'est plutôt un pardon qui provient de la perfection de sa capacité. De la perfection de sa bonté. De sa miséricorde et de sa pitié, subhanahu wa ta'ala. وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام. Nous avons parlé ici de son pardon, de sa mansuétude qu'il accorde à ses serviteurs, que cela ne vient pas par une faiblesse. On nous parle ici maintenant de son châtiment, de sa vengeance. Cela est aussi salam. Cela est aussi à l'abri. C'est-à-dire la punition d'Allah, son châtiment, la rapidité de sa menace établie sur la personne ou de son courroux, ou bien de la punition. Cela est exempt de toute injustice, de toute dureté mal placée. La créature, lorsqu'elle se met en colère, il se peut qu'elle transgresse. Il se peut qu'elle agisse mal. Il se peut qu'elle ne mette pas la punition dans sa juste mesure. Allah Azza wa Jal, lui, son châtiment, sa punition et son courroux, il est à l'abri de toute injustice. À l'abri de toute transgression et de toute dureté mal placée. بل هو محض حكمتي وعدل وضع الأشياء مواضعها. Ça n'est plutôt, ça n'intervient plutôt qu'avec la perfection de la sagesse. Allah Azza wa Jal, il récompense par la perfection de sa bonté et sa bienfaisance. Et lorsqu'il punit, il châtie, c'est par la perfection de sa justice. Parce que le serviteur mérite cela. Parce que le serviteur a soit délaissé une obligation qu'Allah Azza wa Jal lui avait prescrite, lui a révélé dans son livre ou dans la sunna, lui a fait savoir par l'intermédiaire de l'envoi de ses messagers et de ses prophètes, lui a envoyé des avertisseurs. Malgré ça, le serviteur a volontairement transgressé, a volontairement désobéi à son Seigneur qui a été bon envers lui, qui lui a donné la vue et lui, qui l'a nourri, abreuvé, qui lui a fait savoir ce qui était bon pour qu'il emprunte le chemin du bien afin d'obtenir l'agrément d'Allah et son paradis. Mais le serviteur a été entêté et il a préféré désobéir à Allah alors qu'il savait qu'Allah le voyait et l'entendait. Au final, Allah Azza wa Jal a décidé de le punir. Est-ce que cela n'est pas pure justice? Lorsqu'Allah punit le serviteur, fabi'adli, c'est pas sa justice. Par contre, lorsqu'il le récompense et rétribue, Allah l'a créé, il lui a envoyé les messagers, il lui a fait aimer le bien, il lui a donné la capacité et la volonté de faire le bien. Donc, al-shakur, c'est Allah. Le mérite entièrement revient à qui? Il revient à Allah. Donc si le serviteur fait le bien, à ce moment-là, le mérite revient à Allah. Mais si le serviteur fait le mal, à ce moment-là, la punition revient de droit au serviteur. Quand le serviteur fait le bien, c'est grâce à Allah. Et quand le serviteur fait le mal, c'est à cause de lui. C'est à cause du serviteur lui-même. Parce qu'il n'a pas emprunté le chemin qu'Allah Azza wa Jal lui a montré dans toute sa clarté. Il lui a révélé le livre. Il lui a envoyé le messager. Il lui a donné la raison. Et beaucoup d'autres moyens et causes pour observer le bien. Donc, si Allah le punit, ça n'est que par perfection de sa sagesse, de sa justice, et ça n'est que mettre les choses où elles convenaient d'être mises. وَهُوَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ عَلِي الْحَمْدُ وَالثَّنَى. Et si Allah le punit, le châtie, pour cela Allah mérite les éloges. Et pour cela Allah mérite qu'on le loue. Parce que ce qu'il a fait ici, c'est exactement l'excellence. C'est exactement l'excellence. Tout comme Allah mérite la louange et qu'on le loue pour sa bonté, sa bienfaisance et les récompenses qu'il donne à ses serviteurs. كما استحقه على إحساني وثوابي ونعمي بل لو وضع الثواب بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمتي ولعزتي. Si nous placions, ou si on avait placé à la place du châtiment la récompense, ceci aurait annulé ou aurait été contraire à sa sagesse et à sa toute puissance. فَوَضْعُ الْعُقُوبَةِ مَوْضِعَهَا هُوَ مِنْ حَمْدِ وَحِكْمَةِ وَعِزَّةِ. Le fait qu'Allah Azza wa Jal mette la punition à cet endroit-là précisément, sur ce serviteur-là précisément, fait partie des choses pour lesquelles nous devons le louer. Fait partie de sa sagesse, de sa toute puissance. فَهُوَ سَلَامٌ مِمَّا يَتَوَهَمُ أَعْدَاؤُهُ وَالْجَاهِلُونَ بِهِ مِنْ خِلَافِ حِكْمَتِهِ. Allah Azza wa Jal est salam et à l'abri de tout ce qu'imaginent ses ennemis à son sujet, comme imperfection, comme défaut, et de tout ce que ont pensé de lui les ignorants, qu'il agissait contrairement à la sagesse. وقضاؤه وقدره سلام. La prédestination, le décret, le destin d'Allah Azza wa Jal est salam, est à l'abri de toute injustice, à l'abri de tout amusement. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrète une chose, il l'a fait avec la perfection de la sagesse et de la science. Il ne la fait pas en vain, ni injustement. وقضاؤه وقدره سلام من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla décrète une chose, elle se réalise avec la perfection de sa sagesse. Très éloignée de l'illusion que pourrait avoir l'ignorant en pensant que ceci est contraire à la sagesse. Par moments, Allah décrète des choses. Et l'ignorant qui ne connaît pas la perfection d'Allah Azza wa Jalla et que tout ce qu'Allah décrète et que tout attribut d'Allah est salam, il peut penser et se dire, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela n'est pas comme cela? Ou comme ceci ou comme cela? Pourquoi moi? Et ainsi de suite. Il voit dans le décret d'Allah Azza wa Jalla que ça n'est pas sage d'avoir fait ainsi. Allah est salam dans son décret. Ce qu'Allah a fait, c'est la perfection de ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il a fait, c'est avec perfection dans sa science, perfection dans sa sagesse. Et il n'y a pas meilleur événement que ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour dans telle situation. وشرعه ودينه سلام. Sa législation, sa religion, est salam. Et à l'abri من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمته والإحسان إليهم وخلاف حكمته بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. La législation d'Allah, la religion qu'Allah nous a légiférée, est salam, est à l'abri de toute contradiction, de toute disparité, de toute mada, de toute faille, de toute contradiction, et éloignée. Cette religion est loin, au plus haut point, d'avoir en son sein une chose qui n'est pas bonne pour le serviteur. Tout ce qu'Allah a légiféré dans cette religion, c'est ce qui est bon pour le serviteur. Lorsqu'Allah nous dit de faire telle chose, il y a le salam dans cette chose-là. Il y a le bien pour nous et le salut. Lorsqu'Allah nous dit de ne pas faire telle chose, il n'y a pas le salam dans cette chose-là. Il n'y a pas le bien pour nous. Il n'y a pas le salut pour nous. Il n'y a pas la paix dans cette chose-là. Même si le serviteur, avec sa raison imparfaite, peut s'imaginer le contraire. Il n'y a pas le contraire de la miséricorde pour le serviteur dans cette religion, ni de la bienfaisance pour le serviteur dans cette religion, ni le contraire de la sagesse pour le serviteur dans cette religion. Au contraire, la législation d'Allah n'est que bien pour le serviteur, bienfaisance envers lui, et en concordance parfaite avec la sagesse, la miséricorde et l'équité, ainsi que la justice. وكذلك عطاؤه سلام من كون معاوضة أو لحاجة إلى المعطى ومنعه سلام من البخل وخوف إملاق وخوف الإملاق بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا لحاجة ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. Il en est ainsi également pour ses dons, les dons d'Allah sont salam. Ils sont à l'abri d'être faits dans l'attente d'un échange, ou d'un retour en face, ou d'un besoin des faveurs de celui auquel on a attribué ses dons. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal donne, il ne donne pas parce qu'il a besoin de la créature. Il ne donne pas dans l'attente de recevoir quelque chose de la créature. وَمَنْعُوا سَلَامُ. Donc ça c'est pour ses dons. Mais aussi lorsqu'il retient, c'est aussi salam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal retient, il ne retient pas parce qu'il est avare. Il ne retient pas parce qu'il a peur de ne plus avoir. Bien au contraire, quand il donne, c'est la perfection de sa bienfaisance. Il n'attend rien en retour et il n'a pas de besoin. Et lorsqu'il retient ses faveurs, c'est la perfection de sa justice, de sa sagesse qui n'est point troublée par quelque avarice ni imperfection. Donc, les dons d'Allah sont à l'abri de rechercher un retour, sont à l'abri d'être faits par un besoin, et lorsqu'il retient à l'inverse, c'est sa retenue est à l'abri de toute avarice. Si Allah n'a pas donné, c'est pas parce qu'il a peur de ne plus avoir. C'est pas parce qu'il est avare. C'est parce que c'est pas bon de donner à cette personne-là. C'est parce que ça n'est pas sage de donner à cette personne-là. C'est parce que c'est la sagesse et la justice de priver cette personne-là. Donc lorsqu'Allah donne, il est à l'abri de donner dans l'attente de quelque chose en retour, d'avoir besoin de cette créature. Et lorsqu'il prive le serviteur, cette privation est à l'abri d'être faite parce qu'Allah ne pouvait pas donner, ou parce qu'Allah n'a pas assez de richesse, tout cela est salam. Donc voyez ici tous ces attributs, et ça ne sont que quelques exemples, subhanallah. Tout cela est salam. La créature, lorsqu'elle te fait du bien, elle attend en retour du bien. La créature, lorsqu'elle te fait du bien, elle a besoin de toi, ou elle aura besoin de toi un jour. La créature, lorsqu'elle te fait du bien, ce bien-là est limité. Elle peut te donner dans la limite de ce qu'elle peut. Elle est, yani, elle peut te donner que selon ce qu'elle possède. La créature, lorsqu'elle échange avec toi, elle te donne dans l'attente de recevoir. Et lorsqu'elle ne te donne pas, c'est soit parce qu'elle n'a pas, elle est dépourvue de ton besoin, soit elle a, mais elle est avare, elle ne veut pas te donner. Soit elle a, elle n'est pas avare, mais si elle te donne, elle craint de se retrouver dans le besoin. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, lui, tout ce qu'il fait ou ne fait pas, ça n'est que par sagesse, pas par besoin, pas par manquement, subhanahu wa ta'ala. وَاسْتِوَاءُهُ وَعُلُوهُ عَلَى عَرْشِ سَلَامٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَى مَا يَحْمِلُهُ أو يستوي عليه بل العرش محتاج إليه وحملته محتاج إليه فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه وهو الغني الحميد بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة للعرش ولا غيره بوجه ما. الله أكبر. L'auteur nous dit, istiwa'uhu wa 'uluhu 'ala 'arshi salam. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit élevé au-dessus de l'ensemble de ses créatures, et plus particulièrement au-dessus de son trône, est salam. Et à l'abri de faire cela par besoin. Si Allah s'est élevé au-dessus de toutes ses créatures et qu'il est au-dessus de son trône, c'est pas parce qu'il a un besoin. C'est pas parce qu'il a besoin de ce au-dessus de quoi il s'est élevé. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucunement besoin, par exemple, de son trône, du arsh. C'est plutôt le trône qui a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a la suffisance absolue. Il n'a pas besoin du trône, ni des anges qui portent le trône, ni de tout autre parmi ses créatures. C'est donc une élévation au-dessus du trône, et une élévation au-dessus de toutes ses créatures qui est sans pareil. Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin du trône. Il n'a pas besoin des créatures. C'est une élévation que personne ne peut embrasser de sa science. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été. Il a toujours existé, subhanahu wa ta'ala. Et Allah était et il n'avait pas de trône. Et c'est lui qui a créé le trône et choisi de s'élever au-dessus du trône. Donc il n'a pas besoin du trône, subhanahu wa ta'ala. C'est le trône qui a besoin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah était avant de nous avoir créé, nous qui sommes là. On adore Allah Azza wa Jal, on prie Allah, on a peur d'Allah, on aime Allah, on espère en Allah et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal était avant qu'on soit, avant qu'on l'adore. Il n'a pas besoin d'eux. Et ensuite on va disparaître. Et il va faire venir des autres créatures, des autres personnes qui vont aussi l'adorer. Et d'autres vont mécroire en Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve. Et Allah était avant tous ces gens-là. Et quand ils vont l'adorer, ils vont rien ajouter à son royaume. Et s'ils mécroient en lui, ils vont rien diminuer de son royaume. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est salam. Allah n'a pas besoin du trône. Et il n'a pas besoin des créatures en dehors du trône. Mais ce sont le trône et les autres créatures qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le riche, le digne de louange. Si on adore Allah, Allah n'a pas besoin de nous, il se suffit à lui-même. Et si on délaisse l'adoration d'Allah, Allah est le riche. Il se suffit également à lui-même. Et si on loue Allah, Allah mérite ses louanges. Et si on ne le loue pas, il mérite dans tous les cas ses louanges et ses éloges. Le fait qu'Allah Azza wa Jal soit élevé au-dessus du trône, et le fait qu'il prenne le fait qu'il ait le dessus sur l'ensemble de ses créatures, c'est de par la perfection de sa royauté, de sa souveraineté, de sa dominance absolue sur toutes ses créatures. Il n'a pas besoin donc du trône ni des autres créatures. Wa nuzuluhu kulla laylatin ila sama'id dunya salamun mimma yudaddu 'uluwwa wa salamun mimma yudaddu ghinahu wa kamala wa salamun min kulli ma yatawahhamu mu'attilun wa mushabbih salamun min an yasira tahta shay'in أو محصورا في شيء تعالى تعالى الله ربنا ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه. La descente d'Allah subhanahu wa ta'ala au ciel de ce bas monde chaque nuit est salam, et à l'abri de tout ce qui peut annuler ou contredire son élévation. Allah subhanahu wa ta'ala descend celle de ce bas monde, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith mutawatir. Allah azza wa jal yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde chaque nuit lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Cette descente d'Allah azza wa jal est un de ses attributs d'action. Et cette descente-là ne contredit aucunement le fait qu'Allah soit élevé au-dessus de toutes ses créatures. Ne contredit le fait qu'il n'ait besoin de personne. Et qu'il ait la pleine suffisance. Et qu'il ait la perfection absolue. Le fait qu'Allah Azza wa Jal descende au ciel de ce bas monde est à l'abri de tout ce que pourraient imaginer ceux qui renient les attributs d'Allah affirmés dans les textes et ceux qui font ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Donc on renie ses attributs. Allah Azza wa Jal est salam et à l'abri d'être en dessous de ses créatures ou établi et enfermé dans une chose. Allah subhanahu wa ta'ala est salam et à l'abri de tout ce qui peut venir entacher sa perfection. Wa sam'uhu wa basaruhu salam min kulli ma yatakhayyaluhu mushabbihun aw yataqawwaluhu mu'attilun wa mawalatuhu li awliya'ihi salam min an takuna min dhill kama yuwali al-makhluq al-makhluqa. بل هي موالات رحمة وخير وإحسان وبر كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فلم ينفع أن يكون له ولي مطلقا بل نفع أن يكون له ولي من الذل. الوي الله لا في الله السلام. L'ouïe d'Allah et la vue d'Allah est à l'abri de tout ce que pourrait imaginer celui qui fait ressembler Allah à ses créatures. Et affirmer de manière mensongère celui qui renie les attributs d'Allah. L'alliance d'Allah Azza wa Jal, le rapprochement qu'il accorde à ses serviteurs pieux et son amour, est à l'abri du fait d'avoir un allié par besoin, par faiblesse. Comme c'est le cas chez les créatures, les unes envers les autres. C'est-à-dire qu'elles prennent des alliés parce qu'elles ont besoin de se renforcer par cette alliance. Non. Allah Azza wa Jal rapproche certains serviteurs de lui. Et il les aime. Et il en fait des alliés rapprochés de lui. Mais pas parce qu'il a besoin de lui. Mais c'est plutôt une faveur qu'il leur accorde de par sa bonté et sa bienfaisance. Contrairement à la créature qui fait cela, par besoin. Qui fait cela, na'am, par besoin. Je regarde juste une traduction. Dans Sourate Al-Isra, à la fin de Surat al-Isra, wa qul alhamdulillah. Et dit toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Alladhi lam yattakhidh waladan. Celui qui ne s'est jamais attribué un enfant. Qui n'a point d'associé en la royauté. Et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation. C'est-à-dire d'allié dû à un besoin pour se renforcer par lui. Sans quoi on serait faible sans lui. Et proclame hautement sa grandeur. Allah Azza wa Jal n'a pas renié le fait d'avoir des rapprochés de lui qu'il aime, des awliya, mais il a rejeté le fait d'avoir cela par besoin. Par besoin. Al-Wali est affirmé. Allah wali alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Et ici on nous dit وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌ مِنَ الظُّلْ. Donc le wali ici n'est pas le wali là-bas. Le wali qui est affirmé, c'est celui qu'Allah a aimé et rapproché de lui de par sa piété. Le wali qui est infirmé et rejeté, c'est celui que tu prends et rapproches de toi parce que tu as besoin de lui pour te renforcer. C'est ça qu'Allah a rejeté. Ce qu'on appelle le wali مِنَ الظُّلْ. Comme à la fin de Surat al-Isra. وكذلك محبته لمحبيه ولأوليائه سلام من عوارض. Il en est également ainsi pour son amour envers ses bien-aimés, envers ses rapprochés. Son amour est à l'abri de ressembler à l'amour qu'a la créature envers l'autre créature. Min kawniha mahabbat hajatin ilay. Ça n'est pas un amour dû à un besoin devant cette créature. La créature, son amour, comporte un besoin face à l'être aimé. Allah Azza wa Jal aime ses serviteurs pieux sans avoir besoin d'eux. Ou tamalluqin lahu ou intifa' bi qurbi. La créature aime l'autre créature parce qu'elle tire profit et jouissance de par sa proximité d'elle. Allah Azza wa Jal rapproche la créature, aime la créature sans avoir besoin d'elle. Sans avoir besoin d'elle, na'am. Sans avoir besoin de sa proximité. Wa salamu mimma yataqawwaluhu al-mu'attiluna fiha. L'amour qu'Allah accorde à ses serviteurs est à l'abri de tous les mensonges proférés par ceux qui ont renié ses attributs. Certains, comme Al-Jahmiya et autres, ont dit Inna Allah la yuhib wa la yuhab. Ta'ala Allah an dhalik. Ils ont dit d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'aime pas et il n'est pas aimé par ses créatures. A'udhu billah. A'udhu billah. Ils ont dit le contraire de ce qu'Allah dit dans le Coran et dans la Sunna. Ils ont dit que si nous affirmons qu'Allah aime, ça veut dire qu'Allah a des besoins. Ça veut dire qu'Allah a des faiblesses. Et ainsi de suite. Non. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah nous dit, selon la traduction des sens de cette partie de verset de Sourate Shura, il n'y a rien qui lui soit similaire, qui lui soit semblable dans ses attributs. C'est lui l'audience, c'est lui le clairvoyant. Pareillement, nous disons pour son amour. Allah aime, mais différemment de ses créatures. Allah entend, mais différemment de ses créatures. Allah voit, mais différemment de ses créatures, tout simplement. Donc eux, du fait qu'ils ont compris des attributs d'Allah, ce qu'ils ont compris des créatures, ils se sont mis à rejeter les attributs d'Allah et à dire qu'Allah ne peut pas aimer parce que c'est une faiblesse, parce que c'est un besoin, parce que c'est une dépendance. Allah est salam et à l'abri de tout ce qu'ils ont proféré comme mensonge à l'égard de ses attributs. Wa kadhalika ma adhafahu ila nafsi min al-yadi wal-wajhi fa innahu salam. Nous disons pareillement, tout ce qu'Allah a dit sur lui-même, on l'affirme, comme le fait qu'Allah ait une main, un visage, mais sa main est différente de la main des créatures. Mais son visage est différent du visage des créatures. Vous connaissez tous l'histoire de Adam, l'histoire de Iblis. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé Adam, biyadi, de sa main, wa asjada lahu malaikata, et a ordonné à ses anges de se prosterner devant lui. Il y avait parmi ses anges, il y avait qui? Qui vivait avec les anges, qui avait été honoré et élevé avec les anges, il y avait qui? Il y avait Iblis, qui fait partie des djinns. Il adorait Allah Azza wa Jal, il était dans la piété. Allah Azza wa Jal l'avait honoré, l'avait mis avec eux. Mais lorsqu'Allah créa Adam et honora Adam, et lui apprena le nom de toute chose, il ordonna aux anges de se prosterner. Et avec eux, il y avait Iblis. Iblis n'est pas un ange, mais c'est un djinn, comme Allah nous le mentionne dans le Coran. Iblis a refusé. Aba wa stakbara wa kana min al-kafir. Il a refusé de se prosterner. Il s'est enorgueilli. Allah Azza wa Jalla l'a banni et l'a viré de sa miséricorde. Il l'a banni et il l'a viré de sa miséricorde. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Allah Azza wa Jalla lui dit, comme c'est mentionné dans le Coran ou le Karim, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Allah Azza wa Jalla a deux mains, comme il sied à sa perfection subhanahu wa ta'ala. On affirme qu'Allah a des mains parce qu'il l'a dit dans le Coran. Parce que le Prophète l'a dit dans la Sunna. « Mais nous affirmons également, on affirme également qu'elles ont la perfection absolue. Et on rejette toute similitude avec les attributs des créatures. La règle est, étant, on dit sur Allah ce qu'il a dit sur lui-même, sans faire ressembler Allah à ses créatures. On dit sur Allah ce qu'il a dit sur lui-même, sans faire ressembler Allah à ses créatures. Celui qui a dit « Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik, al-quddus, al-salam, al-mu'min, al-muhaymin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir, subhanallah amma yushrikun », c'est celui qui a dit « Laysa kamithli shay, wa huwa as-sami' al-basir ». C'est celui qui a dit « Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ». C'est celui qui a dit « Hal ta'lamu lahu samiyya ». Donc, on ne prend pas une partie des textes pour en occulter une autre. Mais celui qui a dit ceci, c'est celui qui a dit cela. On prend tous ces textes-là. Et il n'y a pas de contradiction dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, Allah est salam. Dans tout ce qui s'attribue à lui-même, il est à l'abri de toute ressemblance avec ses créatures. Et de tout défaut et similitude qu'on peut imaginer. Ceux qui ne comprennent pas le Coran et la Sunna. Ceux qui ont pensé que Yadullah, la main d'Allah, Wajhullah, le visage d'Allah, avait une ressemblance avec ce qu'on disait pour les créatures. Avait une ressemblance, alors qu'il n'en est aucunement le cas. Thumma khatama rahimahullah. Tout ce que je vous mentionne ici, c'est les paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans Bada'i'ul Fawaid. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا التقرير الوافي بقوله. Puis il a conclu cet enseignement complet dans lequel il lui a pleinement donné son droit par sa parole. فتأمل كيف تضمن اسمه السلام فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار من هذه الأسرار والمعاني. Puis il a conclu رحمه الله تعالى en disant et médite. Comment le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a inclus, comment le nom d'Allah as-salam a inclus le fait qu'il soit pur, exempt et éloigné de tout défaut. Le nom d'Allah, le simple nom, le seul nom d'Allah as-salam est venu avec tous les sens qu'on a mentionnés ici et plus encore. À savoir qu'Allah Azza wa Jal, dans chacun des noms qu'il a, dans chacun des attributs qu'il possède, il est salam. Il est à l'abri de tout défaut et de toute imperfection. Puis il nous dit, et combien parmi ceux qui ont mémorisé ce nom ne savent pas cela. Et combien parmi ceux qui ont mémorisé ce nom n'ont pas connaissance de tous ces joyaux et de tous ces secrets et de tous ces, de toutes ces choses cachées et de ces sens. Et combien mémorisent le nom d'Allah as-salam? Quand il se passe une chose, combien tu entends dire ya salam? Ils savent que parmi les noms d'Allah il y a salam. Mais l'auteur, le shir nous dit, ils mémorisent le nom, mais ils ne savent pas tout ça. Ils mémorisent le nom, mais ils n'en connaissent pas les secrets. Ils mémorisent le nom, mais ils n'en connaissent pas les trésors dans ces sens. Sa parole s'arrête ici. وَمِنْ دَلَائِلِ هَذَا الْإِسْمِ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذُو السَّلَامِ. Et parmi ce que nous indique ce nom-là, le fait qu'Allah c'est ذُو السَّلَامِ, c'est le détenteur du salut. C'est lui qui peut accorder à ses serviteurs le salut, le fait qu'ils soient préservés d'être touchés par le mal. El musallimu ala ibadi. C'est lui qui accorde le salut à ses serviteurs. فهو المسلم على رسله وأنبيائه عليهم الصلاة عليهم صلاة الله وسلامه. C'est lui qui accorde le salut à ses messagers, à ses prophètes. Qu'Allah les couvre d'éloges et leur accorde son salut. لإيمانهم. De par la foi qu'ils ont, Allah leur accorde ce salut. ولكمال عبوديتهم. De par la perfection de leur servitude, il leur accorde ce salut. وقيامهم ببلاغ أو بالبلاغ المبين et du fait qu'ils ont parfaitement transmis le message, il leur accorde ce salut. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال تعالى سلام على نوح في العالمين وقال تعالى سلام على إبراهيم وقال تعالى سلام على موسى وهارون وقال تعالى سلام على إلياسين. Dans Suratu An-Naml, Allah nous dit sur la traduction des sens de ce verset, dit « Toutes les louanges reviennent de droit à Allah et paix sur ses serviteurs qu'il a élus. » Dans Surat Saffat, dans plusieurs versets, on nous dit « Paix sur Nuh dans tout l'univers, paix sur Ibrahim, paix sur Moussa et Haroun, paix sur Ilyas et ses adeptes. » والمسلم على عباده وأوليائه في جنات النعيم. C'est lui qui saluera, accordera son salut ou ses salutations à ses serviteurs et à ses rapprochés dans les jardins. Du délice ou des délices, na'am. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وعد لهم أجرا كريما وقال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام وقال تعالى سلام قولا من رب الرحيم. Dans Sourate Al-Ahzab, j'ai ici une erreur dans la numérotation du verset. Il y a écrit 144, bien que Sourate Al-Ahzab ne comprennent pas autant de versets. C'est en réalité, pour celui qui a la même version que moi, c'est le verset 44. C'est le verset 44, comme on me l'a fait savoir. تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera salam, et il leur a préparé une généreuse récompense. Dans Surat Ibrahim, Khalidina fiha bi'idhni rabbihim. Tahiyyatum fiha salam. Ils y demeureront éternellement. Si mes souvenirs sont bons, le début du verset, wa dukhila alladhina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar bi'idhni rabbihim tahiyyatum fiha salam. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera salam. Dans Suratu Yasin, salamun qawlam min rabbir rahim. Salam, paix et salut, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. وجعل تبارك وتعالى جنته دار السلام لعباده من دار السلام لعباده أي السلام من الموت والأسقام والأحزان والآلام والهموم وغير ذلك من الآفات. قال تعالى لهم دار السلام عند ربهم وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام. إي الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى a fait de son paradis la demeure de la paix. La demeure de la paix pour ses serviteurs. Ils seront en paix et à l'abri de la mort, de la maladie, de la tristesse, des douleurs, des afflictions et des soucis. et de tout autre défaut, de tout autre défaut. Celui qui entre au paradis, جَعَنَ اللَّهُ وَإِيَّكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, entrera dans Dar al-Salam, dans la demeure de la paix et de l'abri. C'est-à-dire qu'il sera en paix de toute mort. Lorsque les gens du paradis entreront au paradis, les gens de l'enfer entreront en enfer. On fera venir un bélier. Et on appellera les gens du paradis, on leur dira, où vous les gens du paradis, est-ce que vous reconnaissez cela? Ils diront, oui, c'est la mort. On appellera les gens de l'enfer, où vous les gens de l'enfer, reconnaissez-vous cela? Ils diront, oui, c'est la mort. Ensuite, on sacrifiera la mort. Et on dira, oh vous les gens du paradis, vous avez à vivre et à ne plus jamais mourir. Alors leur joie augmentera, ils augmenteront joie à leur joie. Et on dira aux gens de l'enfer, oh vous les gens de l'enfer, vous avez à vivre et à ne plus mourir, plus jamais mourir. Alors leur malheur augmentera. Ils augmenteront malheur à leur malheur. Au paradis, c'est Dar al-Salam, il n'y a pas de mort. Tous ceux que tu redoutes, tu ne l'auras pas au paradis. C'est parce que c'est Dar al-Salam, alors il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de tristesse. Subhanallah. Al-Mu'min, le croyant, quel que soit le degré de piété qu'il puisse atteindre, il est sujet à la tristesse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, cherchait refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre la tristesse. Et il a enseigné aux compagnons, lors de la tristesse, des invocations. Parce que c'est une chose, personne ne peut y échapper. Il a enseigné La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbul samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Et un jour il a dit Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin wa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك. Jusqu'à la fin du hadith, Abdullah ibn Saoud, quand il a entendu cette kalima, quand il a entendu la beauté de cette parole, lui a dit à Rasulallah, أفلا نتعلمها. Rasulallah m'a dit, il n'y a pas une personne qui est touchée par une tristesse, une affliction, puis prononce ces mots-là sans qu'Allah dissipe sa tristesse, son problème, et remplace dans son cœur à sa place une joie. Abdullah ibn Saoud, quand il a entendu ça, il a dit à Rasulallah, n'allons-nous donc pas l'apprendre, la mémoriser? Il convient à chaque personne qui a entendu cela de mémoriser ses paroles. De mémoriser ses paroles. Donc la personne, elle est sujette à cela. Au paradis, il n'y a pas de tristesse. Celui qui est dans le bonheur, il est sujet à la tristesse. Soit avant d'être dans ce bonheur-là, il était triste, parce qu'il était en attente de ce bonheur-là. Soit il est dans ce bonheur-là, mais il a aussi une tristesse, parce qu'il a peur que ce bonheur se dissipe et parte. Na'am. Soit ce bonheur est incomplet, alors ça l'a triste. Alors ça l'a triste. Soit il ne se rend pas compte du bonheur dans lequel il se trouve. Alors ça l'a triste. Ad-dunya la tanfak 'anil huzn. Ce bas monde-là, personne ne peut échapper à la tristesse. Parfois elle est haute, parfois elle est minime, parfois elle se dissipe, et ainsi de suite. Au paradis, il n'y a pas de tristesse. Parce que c'est Dar al-Salam. Parce que c'est Dar al-Salam. Ainsi celui qui se plaint chaque jour, parce qu'il est dans une épreuve. On n'est pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Et la plus grosse tristesse, en réalité, c'est pas le mal qu'on reçoit de l'extérieur, c'est pas l'imperfection ou la non-reconnaissance qu'on reçoit de l'extérieur. En réalité, c'est parce qu'on est, volontairement, on n'est pas rentré dans le paradis de ce bas monde qu'Allah nous a préparé. Sa connaissance, son amour, son adoration, le fait de prendre du plaisir à être proche de lui, à chercher son agrément. C'est pour cela que les salafs disaient, inna fi dunya jannatan. Il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le bas monde de l'au-delà. C'est quoi? La connaissance d'Allah. Se sentir proche de lui. Son amour. Celui qui rentre dans ce jardin-là, et réellement il est dans un paradis qu'on lui a avancé avant d'entrer dans le vrai paradis de l'au-delà. Celui qui passe par ces phases-là, il sait qu'il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur que ce paradis-là. Quant à toutes choses à travers lesquelles le serviteur cherchera le paradis dans ce bas monde-là, en dehors de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, ce dans quoi il pensait trouver son paradis ne sera pour lui que feu, brûlure, châtiment, douleur et regret. Même la chose sur laquelle il n'avait aucun doute, c'est-à-dire qu'il pensait retrouver sa joie dedans, son bonheur dans ce bas monde et l'au-delà, peut-être même, elle sera la cause de sa perte, de sa destruction, tant qu'il ne l'aura pas pris en tremplin vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal et la recherche de ses faveurs. Ainsi, le serviteur œuvre dans ce bas monde et son but entre ses yeux et dans son qalb doit être toujours entrer dans Darus Salam. Et le plus malheureux en réalité, c'est celui qui aura uni entre la tristesse dans ce bas monde et l'au-delà. Subhanallah. Celui qui aura uni entre la tristesse dans ce bas monde et l'au-delà. Et la personne souffre parce qu'elle est dans tel problème, puis dans tel autre, puis. Mais au moins elle endure, elle se comporte bien, elle craint Allah. Alors elle a cette tasliya, cette consolation de se dire, je subis cela dans ce bas monde. Voilà qui n'est attassible. J'espère la récompense chez Allah. Et moi, dans l'au-delà, j'aspire à entrer dans Darus Salam. Ce bas monde-là, ça n'est qu'un instant. Et l'au-delà, c'est éternel. Donc, il va supporter la difficulté de ce bas monde pour au final atteindre, Inch'Allah Ta'ala, Darus Salam. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de douleur. Le serviteur dans ce bas monde est sujet à la douleur. La première chose que fait l'enfant lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il pleure. Il pleure et tous les enfants qui sont venus au monde ont subi le coup du shaitan. Sauf, comme c'est vu dans le hadith, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Puis, il pleure parce qu'il a faim, il subit la douleur. Puis il pleure pour qu'on le change. Puis il pleure, il réclame sa subsistance. Puis il veut devenir grand. Et quand il grandit, il pleure parce qu'il doit maintenant étudier. Il doit maintenant apprendre et faire ses devoirs. Puis il pleure parce qu'il a des règles. Puis il pleure pour devenir plus grand parce qu'il pense qu'il va être libre. Ensuite, il a la responsabilité. Femme et enfant. Puis il pleure dans la difficulté de la vie. Puis il pleure, maintenant il doit travailler, nourrir sa famille. Il voulait de l'argent, maintenant il a de l'argent. Puis il pleure et souffre et a des douleurs parce qu'il en veut plus. Quand il en a plus, il a encore plus de responsabilités. Puis il pleure quand il perd cet argent. Ce bas monde est une succession de douleurs. Puis lorsque l'ange de la mort se présente à lui, il pleure à nouveau. Parce qu'il voit qu'il n'a pas pris assez de provisions pour revenir chez Allah Azza wa Jal. Il pleure à nouveau. Et comme nous l'avons dit pour la tristesse, celui qui pleure dans ce bas monde, il ne faut pas qu'il unisse entre les pleurs de ce bas monde et les pleurs en enfer. Wal'iyadu billah. Les gens du paradis seront dans le plaisir parfait et complet. Les gens de l'enfer seront dans le châtiment complet. À un point tel que le prophète alayhi salatu wassalam nous décrit les châtiments des gens de l'enfer. Et parmi ceux qu'il nous dit, c'est qu'on va leur permettre de pleurer. Dans leur châtiment, par moment, ils ne pourront même pas voir et entendre et parler. Subhanallah. Par moment, ils pourront voir, par moment, ils pourront entendre, par moment, ils pourront crier. Et par moment, on va sceller leur bouche. Les rendre aveugles, sourds et muets. Et ils vont être châtiés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, on va leur permettre de pleurer. Fayabkoun. Ahlun nar yabkoun. Les gens de l'enfer vont pleurer. puis ils n'auront plus de larmes. Alors ils vont pleurer du sang. Le prophète alayhi salatu wassalam, écoutez bien, il nous dit, si on avait mis des bateaux sur ce qui va s'écouler de leurs yeux, ils auraient pu voguer. Vous imaginez tout ce qu'ils vont pleurer? Fa subhanallah, al-mu'min, al-fatin, le musulman intelligent, il sait les difficultés qui sont, qu'on ne peut occulter dans ce bas monde. Ça va avec le bas monde. L'imperfection, la douleur, la tristesse et autres. Mais il sait que s'il suit le chemin d'Allah, tout cela n'est que momentané. Et lorsqu'il va poser son pied au paradis, il va oublier tout ça. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, on va amener celui qui a vécu la vie la plus difficile dans ce bas monde parmi les gens du paradis. Qui parmi nous pense qu'il est ce dernier-là? Qui parmi nous n'a pas pu boire de l'eau aujourd'hui? N'a pas pu manger un bout de pain? Il y a ce froid-là. Qui parmi nous n'a pas un vêtement à se mettre? Celui qui souffre le plus parmi nous, écoutez, et qu'il se compare à celui-ci. Le prophète sallam nous dit, on va amener celui qui a eu les plus grands plaisirs, celui qui a le plus souffert parmi les gens de ce bas monde, mais qui était croyant. Et on va le mettre un instant minime au paradis, et on va le sortir du paradis. Et on va lui dire, ô serviteur, est-ce que tu as déjà une seule fois dans ta vie, dans ce bas monde, été malheureux? Il va dire, wallah, j'ai jamais été malheureux. Allahu Akbar. Vous imaginez la difficulté, par exemple, de celui qui est pauvre et qui trouve même pas de quoi se loger et qui dort dehors et qui trouve pas de quoi se couvrir et de quoi se nourrir ou de quoi se soigner. Vous imaginez la détresse dans laquelle il vit en hiver. Celui qui ne trouve pas d'eau pour faire le wudu ou de quoi chauffer l'eau pour faire le ghusl. Celui qui, lorsqu'il sort, il ne sait pas s'il va pouvoir trouver à manger, du travail ou pas. Nous sommes favorisés. Le plus malheureux d'entre nous, il est favorisé. Cet homme-là, c'est le plus malheureux qu'on puisse imaginer qui a vécu sur la terre. On le met au paradis un court instant, on l'en ressort. On lui dit, ô serviteur, est-ce que une seule fois dans ta vie, t'as déjà vu un mal? T'as déjà été malheureux? T'as déjà connu une difficulté? Il jure par Allah. Il dit, j'ai jamais été malheureux. Je n'ai jamais vu un mal. Jamais moi, on m'a mis dans le mal. J'ai jamais connu le mal. Subhanallah. Si un court instant nous fait oublier tous les maux de ce bas monde-là, que dire alors de celui qui va y vivre et ne jamais en sortir? Allahu Akbar. Et il ne va jamais sortir du paradis. Ça, c'est par excellence Darus Salam. Donc il faut travailler et agir pour ce jour-là. Subhanallah. Les épreuves de ce bas monde. Wallahi, tu dors, tu te réveilles, t'as plus l'épreuve. Ou tu as la visite d'un tel, t'oublies ton épreuve. Et ensuite tu rencontres Allah, il te pardonne tes péchés, il te fait rentrer au paradis, il n'y a plus d'épreuve. وَجَعَلَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِفْشَاءَ هَذَا الْإِسْمِ فِي الدُّنْيَا سَبَبًا لِدُخُولِ دَارِ السَّلَامِ فِي الْآخِرَةِ. Pour finir, Allah Azza wa Jalla a fait de la propagation de son nom As-Salam une cause pour entrer dans Dar As-Salam, dans l'au-delà. Rasulullah a dit, لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا دلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. L'imam muslim rapporte d'après Abu Huraira que le prophète sallam a dit, vous n'entrerez jamais au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vais-je pas vous informer d'une chose? Si vous la faites, vous vous aimerez. Propagez le salam entre vous. Quand vous rencontrez les musulmans, dites assalamu alaikum. Ça, c'est une cause pour qu'on s'aime entre nous. Et si on s'aime entre nous, on aura la foi forte. Et si on a la foi forte, Allah nous fera entrer au paradis. فنسألالله سبحانه وتعالى السلام الكريم الحي القيوم الجواد أن يدخلنا أجمعين دار السلام ويسلمنا أجمعين من الآفات والهموم والأحزان كما أسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وارض المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.